Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Il y a des choses à dire, une émission consacrée à l'handicap visuel vu autrement, animée par Papy José. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission de Il y a des choses à dire. Comme vous le savez, cette émission est consacrée à l'handicap visuel, vu autrement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose, j'allais dire, de plus ludique, le jeu, l'accessibilité et le jeu. Pour ce faire, j'ai à mes côtés le président de l'association nancéenne Toucher, Voir et Jouer. Hein, c'est ça, Pierre, Toucher, Voir et Jouer. Oui, oui, c'est bonjour à tous. Voilà, donc Pierre, Daniel. Tu vas commencer à te présenter. Oui, alors je rectifie, c'est Daniel Lambert, donc je suis le président de Toucher, Voir et Jouer depuis 2 ans. J'ai pris l'association de monsieur Christian Thirion qui l'a fondée en 2011 et on continue sur la trajectoire de développer des jeux pour tout public, voilà, ça c'est important à le dire, voyants et non-voyants, pour qu'ils puissent jouer ensemble. C'était la première objectif de l'association. Après, on a d'autres objectifs de faire jouer aussi des gens malvoyants et puis des gens qui ont aussi des problèmes un peu Alzheimer ou des jeunes enfants pour le codage ou des choses comme ça pour la mémoire. Alors, on va vous présenter un petit peu. Hein. Je crois que vous êtes ingénieur, Daniel. Alors, oui, je travaille pour l'université comme ingénieur. Je m'occupe d'une plateforme technologique. Autour de moi, il y a aussi d'autres ingénieurs qui me donnent un coup de main régulièrement. Vous êtes professeur à l'université aussi? Non, j'enseigne un peu, mais c'est à côté de mon métier d'ingénieur de fabrication. Voilà. Donc, je ne suis pas professeur en tant qu'enseignant professionnel. D'accord. Votre spécialité, c'est quoi dans la vie? Dans la vie, ma spécialité. La vie d'ingénieur. Ah, la vie d'ingénieur, c'est savoir concilier beaucoup de choses en même temps. Ma spécialité, c'est fabriquer des objets, fabriquer en fabrication mécanique, mais la fabrication mécanique, ça inclut beaucoup, beaucoup de technologies différentes qui sont l'informatique, l'électronique, l'usinage, la plastification, l'impression, les technologies de prototypage, etc. etc. Donc on peut, dans l'université, on a quand même un panel très très large, et effectivement tous les jours c'est un peu le grand écart. Et tout ça c'est un peu conceptuel, vous travaillez pour des entreprises, pour ou c'est de la recherche, ou c'est... C'est la destination de qui, ce que vous recherchez? Alors, ma principale activité, c'est aux destinations de la formation. Donc, pour former des nouveaux cadres intermédiaires ou des ingénieurs pour l'industrie, essentiellement. Et effectivement, j'ai une mission aussi d'accompagnement des chercheurs et des laboratoires pour faire des prototypes de recherche. Mais de façon... ça représente 90% de mon travail, et de façon très mineure, on peut travailler pour des applicatifs industriels ou qui sont un peu hors des chemins battus, quoi. D'accord. Et donc, pour en revenir au fondateur, Christian Thirion, il lui est venu l'idée de créer cette association. Bon, c'est pas évident quand on est ingénieur, on est voyant, on n'a pas de difficultés, vous n'en avez pas. Tous ceux que je connais de l'association Toucher, Voir et Jouer n'ont pas de problèmes visuels. Qu'est-ce qui vous a pris de créer ce type d'association qui va au-delà, on l'a vu, hein, vous l'avez dit tout de suite, qui va au-delà de l'handicap visuel? Alors, on va refaire un peu l'histoire, disons de l'histoire assez vite. L'association 2011, voilà, monsieur Christian Thirion, qui est professeur des universités par contre, s'est retrouvé à la fin de sa carrière, et il avait des connaissances autour du réseau AVH. Donc c'est l'association Valentin Oui qui distribue pas mal de matériel adapté, mais dans tout le domaine de la vie pour les non-voyants. Et de là, il a fait un constat. Sur le marché, il y avait très peu d'association qui gérait les jeux, enfin qui était orientée vers ça. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de jeux adaptés pour les non-voyants et très mal adaptés. Voilà. Et de fil en aiguille, on a fait connaissance, on a fait de la recherche. Et M. Thirion, bah maintenant, il avance dans le temps et il a cherché un successeur. Et j'ai pris, avec M. Thibaut Foss, qui est le vice-président, j'ai pris la décision de continuer son œuvre et de continuer à développer des jeux et de façon très ludique pour en destination des malvoyants et non-voyants. Alors donc, vous êtes une petite équipe qui concevait les jeux. Oui. Directement à Polytech, hein, c'est ça, à Polytech. Alors, Polytech, c'est notre laboratoire. Il nous fallait un endroit où on puisse mettre nos machines. Nos machines, entre guillemets, des petites machines, hein, des petites machines qui permettent de produire des prototypes, des premiers prototypes, et de faire valider ça par les non-voyants. Parce que notre démarche, c'est de répondre à une demande d'une personne non-voyante, de faire un premier prototype et de faire tester. Et une fois que ce test est fait, si ça ne va pas, on remet et on remodifie notre premier prototype pour en faire un second, qu'on refait tester et la boucle continue jusqu'à ce qu'il y ait une validation complète. Donc pour faire ce travail, il nous fallait un endroit pour pouvoir travailler avec des machines. Après, notre travail intellectuel ou le travail de développement, pour faire des plans, etc., ça peut être un peu n'importe où. On peut faire des réunions ou à l'IUT, ou à l'AVH, ou à Polytech. D'accord. Donc les locaux sont mis à disposition par l'université, mais les machines, c'est pas donné tout ça, ces machines. Vous les avez achetées comment? Ou vous les avez obtenues comment? Alors, effectivement, toutes ces machines, c'est vraiment pas donné. Alors, il y a deux types de machines. Il y a les machines où on cherche de l'agilité, on cherche du bas coût, où on veut produire rapidement. Donc ça, c'est des machines style découpe laser, impression 3D, embosseuse DIY, des choses comme ça. Donc c'est des machines à 300-400 euros où on peut faire beaucoup de choses différentes pour faire du prototype très simple. C'est-à-dire que dans le temps, on n'arrivera pas à faire un produit fini, mais ça permet de valider pas mal de choses avec les gens qui sont partenaires avec nous ou qui ont besoin d'une réponse adaptée à leur handicap. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, après, on a des machines qui sont beaucoup plus onéreuses. Donc, on a des imprimantes braille, dites braille, donc c'est pour faire avec les caractères... Très chères, ces imprimantes. Qui sont très chères. Donc, une imprimante braille, c'est 3500 à 4000 euros en fonction des options. Donc, on en a acheté une récemment. On a aussi, pour faire un peu de petite série, si on a beaucoup de reprographie ou... On a acheté une thermoformeuse. Ça permet de déformer le plastique sur un motif et garder ce motif à vie, non, rigide. Et ça vaut aussi 7 ou 8 000 euros en fonction des options. Donc pour pouvoir avoir ce type de matériel dans l'association, il faut monter des projets. Donc c'est ce qu'on a fait. On a monté des projets pour développer des jeux pour les associations, les différentes associations de malvoyants et non-voyants. Et après, une fois que ces projets sont développés comme des sudoku ou des livres ou des mots croisés, et ben on les distribue gratuitement sur le fonds alloué par les demandes de subventions aux différents organismes comme la ville, comme le Lions Club ou comme la Fondation de France. Donc vous avez des subventions qui sont un peu diverses et variées puisque vous n'avez pas un sponsor unique. Non, on a la chance d'avoir pas mal de financeurs qui à leur échelle nous aident beaucoup. Le Crédit Mutuel aussi nous aide beaucoup, ils participent pas mal à notre fonctionnement. Ils nous ont financé un livre de jeux récemment qui va aboutir, là on va le présenter au mois de janvier l'Assemblée Générale de l'association. C'est une aide précieuse par le Crédit Mutuel et Sans ces financiers, on ne peut pas développer. Ou on pourrait faire que de l'animation en achetant, même pas, en achetant des jeux. Mais ces jeux sont relativement très chers dans le commerce. C'est certain. Vous sortez combien de jeux à peu près par an? Vous avez un objectif? On a un objectif, c'est quand on fait des manifestations, il nous faut un certain nombre de jeux pour pouvoir animer une salle de 50 personnes non-voyantes. Donc ça veut dire que là, pour un Scrabble, on a besoin au moins de 10 Scrabble si on met 4 personnes. Après, si on fait des lotos, il nous faut une centaine de cartes adaptées. Donc ça, c'est des objectifs vraiment pour les manifestations. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du sur-mesure, hein, on va dire comme ça, à un coût raisonnable, très très raisonnable. Donc c'est pour ça qu'on a des prototypes en impression 3D ou en thermoformage, des choses comme ça. Et là, on répond à la demande. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu des mots croisés, on en a vendu 5 ou 6. On a vendu des lotos, on en a vendu 2. On a vendu des sudoku, on a vendu 2 sudoku. Et cette année, bon là, on a déjà vendu 2 mots croisés. On ne sait pas combien à la fin de l'année, on aura de mots croisés vendus. Mais ce qui est sûr, c'est que si on dépasse les 10 unités, on ne sait plus fabriquer. On n'a plus la capacité à fabriquer au sein de l'association. On reviendra tout à l'heure sur tous ces jeux. Mais vous dites, bon, 10 Scrabble, c'est le maximum à faire. Oui, parce que, alors, on est une petite équipe de bénévoles. Donc, voilà, on a des gens qui sont à la retraite, donc qui ne sont plus disponibles. Et puis, on a des gens comme moi, qui sont salariés. Actifs. Ouais. Actifs. Et puis, donc, le temps passe très, très vite. Et il nous reste un peu les week-ends, un peu les soirées, comme ce soir, pour en parler, pour développer notre association. Donc, voilà, on est 6 actifs vraiment à développer des choses. Donc, on a des gens très intéressants autour de nous. On a des spécialités très intéressantes, parce qu'on a des gens qui font de l'électronique, des gens qui font de la fabrication, il y en a qui font de l'informatique. Il y en a qui font, qui étaient plus dans le commerce, donc ils ont plus les relations pour monter les dossiers de subvention. Donc, avec cette équipe, on arrive à tourner. Vous êtes combien en tout ? Alors, avec les adhérents, on est une vingtaine. Mais sans adhérents, parce que les adhérents, c'est pas eux qui bossent. Non, non, non, c'est pas les adhérents qui bossent. Ceux qui sont vraiment actifs, on est à peu près 7. 7. Ouais. D'accord. Donc, c'est vraiment une petite association, mais bon, qui a le mérite de sortir des jeux régulièrement et des nouvelles idées régulièrement. D'accord. Et par rapport à vos recherches en termes de jeux, vous en êtes où ? Vous avez en stock, si je puis dire, des idées de nouveaux jeux en cours ou pour le moment vous vous contentez à fabriquer Sudoku, mots croisés, etc. Alors non, on a toujours des petites idées sous le coude, donc pour l'instant, il faut bien comprendre que pour adapter un jeu et le fabriquer dans une association comme la nôtre, il faut plusieurs années. Donc ça, on a souvent des 2-3 projets en permanence qui tournent. Qu'est-ce que vous appelez plusieurs années ? Donc du moment où vous l'avez conçu dans votre tête et au moment où il sort de la machine, c'est ouais. Ça ? Alors du moment qu'on dit tiens, ça, il y a une demande, on sait faire un prototype rapidement dans les quelques mois qui suivent. Mais pour faire un jeu qui soit pérenne dans le temps, bien développé, pratique, léger, qui ait beaucoup de conditions dans le cahier des charges d'un produit, il faut plusieurs années parce qu'on fait ça le soir et le week-end. Donc le Scrabble, on a mis plus de 4 ans à le développer de sa façon actuelle. Et c'est toujours en évolution parce que maintenant, on se concentre sur la fabrication de pions en relief pour les non-brailistes. Parce qu'effectivement, nos jeux, on veut les ouvrir à tout public. Je te rappelle que 60 à 80% des personnes en déficience visuelle ne connaissent pas le braille. 90% des déficients visuels, des personnes qui ne voient plus, qui sont ce qu'on appelle la cécité légale, donc ils ont moins d'un vingtième, seuls 10% pratiquent le braille. Donc, c'est très très peu. Donc j'avais pas encore les bons chiffres, donc je suis en retard sur les chiffres, mais les nouveaux chiffres indiquent bien que voilà, il y a des nouveaux besoins de la société, et souvent c'est des gens de plutôt âgés ou pendant la vie qui perdent la vue, et ces gens ne connaissent pas le braille, donc il faut bien adapter ou les faire des jeux qui puissent quand même partager avec leurs proches une activité conviviale, hein, de jeu. Et qui permettent aussi de s'extraire de ce handicap. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le relief, on travaille beaucoup sur les formes, les lettres en relief, et c'est pas facile à mettre en place, et ça prend beaucoup de temps. On a mis plusieurs années à trouver un procédé, alors toujours qui concilie la durabilité, le prix peu cher, et l'efficacité de reconnaissance au toucher. Enfin, on est bien d'accord, quand vous dites le prix peu cher, c'est pas le prix coûtant en fait. puisque ça vous coûte beaucoup plus cher un jeu, avec les subventions qui permettent d'équilibrer la valeur d'un jeu, évidemment. Oui. Alors les subventions payent les machines et le consommable. Après, le temps des bénévoles n'est pas compté dedans. Donc, évidemment. Voilà, évidemment. Oui. Donc c'est ce qui coûte le plus cher, c'est ça, c'est le temps passé à développer, à faire des plans, à essayer, de réessayer, de repenser différemment, de trouver une nouvelle matière, de trouver une nouvelle machine qui permet de fabriquer ça de façon plus agile, plus vite, etc. Donc. Le partenariat sur l'agglomération, donc vous avez dit que le partenariat avec le Crédit Mutuel, avec les collectivités, mais avec les autres associations, comment ça se passe ? Ah, oui, alors le partenariat avec les autres associations, nous on est un peu transversal. Donc voilà, donc nous on est une association qui donne plutôt, qui répond à une demande. C'est-à-dire que si vous venez, on vous dira oui ou non, mais on essaye de dire oui plutôt. Mais voilà, donc les partenariats, on a la ludothèque et médiathèque de Nancy qui sont venus pour développer un livre. Voilà, on a été dans la capacité technique et de savoir-faire pour répondre favorablement. Donc voilà, donc là, quand on a des partenaires comme ça, c'est très très bien, parce que en plus, on a pu répondre dans les quelques mois qu'ils ont demandé le produit. Voilà. Après, les partenariats avec d'autres associations, donc je reviens au handicap, donc l'association de malvoyants ou de cécité, c'est plus compliqué, parce que on est tous dans des domaines un peu spécialisés, on va dire. Des gens plus dans l'adaptation de l'environnement de vie, d'autres dans le médical, d'autres dans les activités sportives, et nous on est plus dans les activités de jeu. Nous, ce qu'on voudrait maintenant, c'est essayer de tisser une relation horizontale avec plusieurs associations pour avoir des projets communs. Voilà. Donc, parce que ce qui est intéressant dans le développement des jeux, c'est de faire jouer, donc faire participer et faire rencontrer les gens pour qu'ils puissent échanger et sortir de leur handicap. Essayer de faire oublier ça. Vous parliez tout à l'heure du public, hein, donc le public non-voyant, malvoyant, les enfants aussi, les personnes âgées, bon. Et là, tous les jeux qu'on a cités, Sudoku, Loto, etc., c'est plus tourné adulte pour les enfants. Vous faites des jeux particuliers pour les enfants dans les écoles primaires, dans les écoles en maternelle ? Alors, pour les écoles, on n'a pas beaucoup de jeux. On en a développé un petit jeu de codage pour apprendre le braille, très simple, hein, qui est assez accessible. Hein, sur le financier, etc. Par contre, on a développé des jeux, effectivement, avec la ludothèque de Nancy, des jeux pour les enfants. Donc on a développé le Manza, qui était pas adapté pour les enfants, donc on l'a adapté pour les enfants. On a adapté aussi le Skull, c'est un jeu de cartes pour comme un bonimenteur, hein, c'est-à-dire qu'on fait un peu du bluff, donc ça, on a adapté aussi ça. Et on a adapté un Dice Academy, c'est un jeu de dés où il faut répondre à des questions assez rapidement, et le premier qui a répondu a gagné. Bien, vous venez d'introduire la deuxième partie qu'on verra après une petite pause musicale consacrée cette fois au jeu proprement dit. On va faire une petite pause musicale, une chanson qui s'appelle « Toucher, je suis le roi du jeu ». C'est une chanson que j'ai écrite, qui est extraite de mon album « Plein soleil dans la nuit ». Je brasse les cartes, elles sont tactiles. Les signes en relief, cœur, trèfle, carreau ou pique. Au Scrabble en braille, j'aligne des mots qui rapportent. Les voyants perdent, ils protestent, ils s'emportent. Jouer sans les yeux, c'est possible, tu vois. Avec le toucher ou l'audiotune, rappale quoi. Je bluffe et la triche, non, pas moi. Tu me connais, non. Au jeu, je suis un roi. Thank you. m'échappe comme mon écran. Je réfléchis et puis c'est la récompense bien méritée. C'est bingo, c'est l'apéro, j'ai gagné. Jouer sans les yeux, c'est possible, tu vois. Avec le toucher ou l'audiotune, frappe pas le poids. Je bluffe et la triche, non pas moi. Tu me connais, non. J'ai mes repères, tu comprends. Nous sommes à égalité. Que le meilleur gagne. Sauf dans le noir complet. Là, c'est toujours moi qui gagne. Et nous revoilà avec nos jeux. Parlons cette fois des jeux. Alors, il y a le jeu complètement standard, complètement classique, c'est le jeu de cartes. Oui. Et ça, il y a une particularité avec l'association, c'est que moi j'ai vu pas mal de jeux de cartes hein, chez AVH, chez Cessia, chez Accessi Jeux à Paris. Mais ils ont des signes très particuliers. Alors soit c'est des signes braille, soit c'est des signes pour reconnaître les cartes qu'ils ont créés eux-mêmes. Vous, c'est à la demande. Oui, tout à fait. Alors nous, dans le, si je reviens aux chiffres, hein, voilà, soyons pragmatiques, on va dire. 90% des gens ne connaissent pas le braille. Donc déjà, les jeux en braille touchent un public très très minoritaire hein, dans le déficient visuel. Voilà. Donc nous, on s'est posé la question et on a vu des jeux sur le marché qui proposaient du relief. Donc on a étudié, on a regardé un peu ce qui se passait sur la fabrication du jeu adapté, et on n'a pas trouvé ça vraiment très adapté. Donc voilà, je suis désolé pour les fabricants de jeux de cartes, mais bon, voilà. Pour plusieurs raisons, parce que souvent ils mettaient les signes au milieu du jeu de cartes. Ah oui, donc, ça, c'est pas possible. Voilà, donc voilà, c'est pas possible. Donc le jeu de cartes, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le jeu de cartes, il faut aussi l'adapter pour les voyants. C'est-à-dire qu'on peut pas faire un jeu de cartes adapté pour les non-voyants. Pour les voyants et non-voyants, on ne peut pas jouer ensemble. Donc, du coup, le jeu de cartes, il ne faut pas aussi mettre un jeu de cartes qui dénature le jeu de cartes. C'est-à-dire que une personne qui est en déficience et qui veut jouer comme tout le monde, il veut un jeu de cartes comme monsieur tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des cartes qui font deux fois la grandeur d'un jeu de cartes normal. Parce que déjà, c'est difficile à tenir, c'est difficile à cacher. Donc après, avec tous ces constats, on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? La praticité, la standardisation, le coût. Ben, c'est toujours la même chose dans notre association, on cherche le mouton. Le moins cher. Le moins cher et le plus adapté, c'est ça surtout. Donc on a trouvé une méthode pour pouvoir déjà mettre l'affichage, le codage des cartes un peu en standard, c'est-à-dire que le 1, hein, c'est 1 point, le 2, c'est 2 points, le 3, c'est 3 points en V ou en triangle, le 4, c'est 4 points, le 5, c'est une barre, et si on continue, le 10, c'est 2 barres, le valet, on va faire un V, et après, c'est en fonction de la sensibilité des gens qui veulent ce jeu de cartes. Ce qu'on fait, c'est que on l'adapte la carte en haut et en bas. C'est-à-dire que si vous avez la carte dans le mauvais sens, vous avez toujours le même signe sous le doigt. Toujours en haut à gauche, en fait. Oui, toujours en haut à gauche. Quel que soit le sens de la carte. Quel que soit le sens de la carte. Donc déjà, il y a des jeux de cartes, ils ne proposent pas ça. Donc voilà, donc tous ces petits défauts, on a essayé de pallier. Et on fait aussi que cette adaptation n'enlève pas la valeur. C'est-à-dire que l'adaptation, elle est translucide ou transparente. Et sur la valeur du jeu de cartes, c'est-à-dire que le voyant, lui, il voit la vraie valeur de la carte et il peut jouer avec la personne en déficience. En fait, en vrai, c'est le vrai jeu de cartes que vous adaptez. Tout à fait. Donc c'est ça l'objectif, c'est de faire vraiment pas de distinguo entre la personne valide et la personne qui a une déficience. Alors la difficulté dans ces cas-là, c'est évidemment l'épaisseur des cartes après. Là, on n'a pas de méthode miracle, on reste quand même dans... Je comprends. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile parce qu'il faut mettre du relief et le relief, par définition, prend du volume dans l'épaisseur. Donc les jeux de cartes adaptés, ils sont toujours un peu plus épais que les jeux de cartes classiques. C'est ça, c'est ça. Alors, ce qu'il faut voir aussi dans les jeux de cartes, il faut que ça soit pérenne. Parce que si on adapte et on met du relief et au bout de 3 parties, on sent plus le relief, c'est pas bon. Donc il y a beaucoup de contraintes, on dirait pas sur un petit jeu de cartes comme ça, il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte. Et ça fait toute la difficulté de la chose, mais ça fait aussi tout l'intérêt de l'adaptation pour un ingénieur. Alors sur Nancy, il y a une grosse entreprise hein, de jeux de cartes nationalement connue, France Cartes. Mmh. Vous avez des contacts avec eux ? Alors, moi je suis un jeune président, donc voilà. Je sais que l'ancien président fondateur, il avait pris des contacts avec France Cartes, mais maintenant, moi je n'ai pas de contact là-dessus actuellement. Donc, voilà. À suivre, tout à fait, tout à fait. Et puis on ne peut pas se disperser dans toutes les directions parce c'est que vrai. On cherche aussi à rapprocher d'autres associations. Santi Fontaine aussi fait partie un peu de... On essaie de les rapprocher parce qu'ils ont des jeunes et puis on aimerait bien aussi capter un peu plus de jeunes dans nos jeux ou avoir des... intéresser ces gens-là dans nos associations à nous, comme tout le monde. Hein. Alors ensuite, il y a les jeux un peu plus classiques. On va reprendre les jeux, qu'on joue un peu en solitaire. Le mot croisé, le mot fléché, ou mot croisé, je ne sais pas lequel des deux. Enfin, je crois que c'est les deux que vous faites. Le sudoku, voilà, c'est des jeux où on joue en solitaire. Et paradoxalement, je pense au mot croisé. Là, par contre, vous faites du braille. Alors, oui, le mot croisé, comme tous nos jeux, c'était une demande de nos adhérents de l'association, parce qu'ils voulaient un mot croisé, un jeu de mots croisés qui existait avant, mais qui n'était plus produit. Et donc, tous les jeux sont tombés en désuétude parce qu'il n'y avait plus de pièces détachées et puis ils étaient usés. Et donc, on a inventé, on peut le dire le terme, c'est unique au monde, on a des petites cellules braille, en les composant de cellules braille, on fait tout l'alphabet du braille, tout l'alphabet jusqu'à W. Donc, ces deux cellules, il nous en faut 3 types. Donc, avec 3 types de cellules, on peut faire l'alphabet complet braille. On produit ça de façon très économique, on va dire entre parenthèses. Hein, et ça a été testé pendant 3 ans. C'est-à-dire que les premiers prototypes, ils étaient en bois, on a fait des tests avec des cellules, avec des petits picots en fer, avec des petits clous, donc vraiment très rudimentaire. Et maintenant, on a abouti, au bout de plusieurs années, à un jeu qui est à moitié usiné, donc on prend de la matière, puis on enlève de la matière, l'usinage, voilà, c'est ça. Et on fait de l'impression 3D, et on a des presses à injecter dans un partenariat avec l'ENSEM à Metz, pour injecter les milliers de pions, parce qu'il faut beaucoup de pions pour faire un mot croisé. Donc on a des 15 lignes et 15 colonnes. Donc tout de suite, le chiffre, je ne le connais pas, mais il me semble 15 x 15, ça fait 225 ou quelque chose comme ça. Dans les eaux-là, oui. Ouais, dans ces eaux-là, je ne connais pas. Comme il faut plusieurs combinaisons de pions, donc 225, on est vite à 400 pions par mot croisé. Bon, voilà, si vous faites 10 mots croisés par an, il vous faut 4000 pions. Donc ça, avec nos imprimantes 3D, on ne sait pas faire, on n'a pas la capacité. Donc il nous faut des partenariats avec des écoles ou des gens qui savent faire. Et souvent, ça se passe très très bien parce que les gens, ils sont très participatifs dans le projet. Qui fabrique les grilles, les questions ? Alors, la grosse question... Voilà, c'est une grosse question, ça. Je sais bien. Alors, les questions, c'est des revues de cruciverbistes spécialisées hein, qui donnent ça. Donc ils se basent là-dessus, donc on a des vrais amateurs non-voyants qui font des mots croisés, hein. Donc ça c'est un vrai plaisir hein, pour eux. Nous on essaye d'adapter, on veut passer, donc la prochaine évolution du mot croisé, ça serait d'avoir une définition par ligne et par colonne, un système électronique qui permettrait de donner une définition audio. Voilà. D'accord. Ça existe ça sur un jeu avec la tablette ou le téléphone, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, mais en tout cas c'est une application qui permet d'avoir des définitions en audio et jouer en audio. Alors nous on voudrait le repérer sur la ligne et la colonne, c'est-à-dire que quand on passe le doigt sur la colonne, il donne les définitions, on appuie une fois définition du premier mot, on appuie une deuxième fois définition du deuxième mot, si on appuie une troisième fois il n'y a pas de mot, il ne dit rien. Voilà, donc... comme ça, on sait qu'il y a deux mots dans la hauteur de la colonne, et après, on peut répéter ça sur toutes les colonnes. Donc toujours en braille. Toujours en braille. Ouais. Alors maintenant, donc ça, c'est un jeu qu'on a développé il y a à peu près une dizaine d'années, qu'on produit régulièrement, qui part régulièrement. On veut l'adapter pour les mots croisés, mais pour les gens non braillistes. Donc là, on a trouvé une solution. Ah, je suis curieux. Ah oui, on a trouvé une solution pour faire des mots croisés non braillistes avec des lettres en relief. On est maintenant sur la difficulté de savoir quelles lettres on peut mettre. Donc, statistiquement, il faut donner des paquets de lettres et donner la distribution des lettres. Donc on a quelques idées pour donner la distribution des lettres, mais il faut beaucoup de lettres. Contrairement au braille, avec trois cellules, on peut recomposer 26 lettres. Là, il nous faut autant de lettres que de définitions, on va dire, que de mots. Donc, on ne peut pas donner des milliers de lettres. Donc, il faut faire une distribution statistique des lettres pour pouvoir faire un maximum de mots croisés. Donc, ça va être la limite du jeu. D'accord, d'accord. Et vous avez également, on va conclure sur cette partie-là, des jeux en cours de réalisation qui sont presque finalisés. Je pense au cochonnet du jeu de boule. Oui, alors ça aussi, c'est une longue histoire. C'est une histoire qui date de plusieurs années. Donc on a un cochonnet pour jouer à la pétanque, une première version qui a très bien marché. Les gens ont pu participer à des concours de pétanque, etc. Et puis on nous a demandé, il y a 2 ans, une amélioration, des améliorations sur cette partie-là. Et on va bientôt sortir un cochonnet pour jouer à pétanque, qu'on puisse télécommander à distance, rechargeable, avec des batteries, avec des options de... On va essayer de sortir avec plusieurs types de bips pour pouvoir les différencier. Voilà. J'ai hâte de voir ça et j'ai hâte surtout de faire un tournoi de pétanque avec des voyants et ils verront que les non-voyants, ils se débrouillent pas mal. On va passer à une deuxième pause. C'est plus musical, mais c'est un clip audio qui va parler de jeux, d'accessibilité des jeux, mais aussi bien des jeux classiques comme vous, mais également des jeux audio, des jeux sur tablette, sur ordinateur. Le jeu, c'est quelque chose qui rassemble par nature. Et pourtant, pour des millions de personnes, ça a longtemps été, tout le contraire, une source d'exclusion. Aujourd'hui, on explore un peu cette révolution silencieuse qui est en train de changer la donne pour les joueurs non-voyants et malvoyants. On a eu une demande très claire. Je veux jouer, oui, mais comment trouver des jeux? Comment ils sont pensés? Et surtout la question clé, comment je peux partager une partie avec ma famille, avec mes amis qui sont voyants? Et pour répondre à ça, on s'est vraiment plongé dans une multitude de sources. On a regardé des boutiques en ligne, des sites d'associations, des catalogues d'éditeurs et même des forums de joueurs. L'idée, c'était vraiment de faire un tour d'horizon complet pour voir, ce qui existe et surtout ce qui marche. Alors, commençons par le début. La première étape, c'est... où chercher? J'imagine que c'est pas si simple. Nos sources parlent de boutiques en ligne qui sont vraiment spécialisées, des noms comme C'est Flou, Mieuxvoir.fr ou CCIA. On a même vu qu'Amazon a une section dédiée maintenant. On sent que ça s'organise, non? Oui, exactement. Il y a un véritable écosystème qui se met en place. Et au-delà des boutiques, il y a des acteurs historiques, on va dire. Je pense à l'association Valentin AI, par exemple, qui propose sa propre sélection de jeux. Et puis, il y a la source du produit, les éditeurs. On a notamment regardé le cas d'Accessi-Jeux. C'est un éditeur qui est fascinant. Leur mission est unique, prendre des jeux de société que tout le monde connaît et hop, les adapter pour les rendre accessibles. Ah, attendez, quand on parle d'adapter, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'ils réinventent les règles ou l'astuce, c'est justement de ne toucher à rien d'autre que le matériel? C'est tout à fait ça, la deuxième option. Et c'est là toute la, comment dire, toute la puissance de la démarche. Le principe de base, c'est vraiment de ne pas changer le jeu. On change la manière d'accéder à l'information. En fait, on traduit ce qu'on voit avec les yeux en quelque chose qu'on peut toucher ou entendre. Voilà, c'est exactement ça. Et cette philosophie, elle va bien au-delà du jeu de société. Justement, ça m'amène à la conception de ces jeux. On pourrait penser qu'il suffit de coller du bras et partout, mais les exemples qu'on a trouvés sont bien plus subtils. On parle de Scrabble géant, avec des lettres immenses, ou de domino avec des points en relief, des jeux de cartes en gros caractères. J'ai même vu un Remicube en version XXL. Oui, et parfois, c'est intéressant, l'accessibilité améliore l'expérience pour tout le monde. Les retours sur le Remicube XXL sont assez drôles. Beaucoup de joueurs voyants disent préférer cette version parce que les tuiles sont plus agréables à manipuler, plus lisibles. Mais cette idée de traduction sensorielle va encore plus loin. Si on regarde le jeu vidéo, on a l'exemple incroyable de A Blind Legend. Un jeu d'action-aventure, entièrement sonore, sans aucune image. Mais comment on se déplace? Comment on se bat? Ça paraît fou! C'est basé sur le son binaural. On joue avec un casque et on se repère au bruit des ennemis, au vent dans les arbres, à la voix de sa fille qui nous guide. C'est une expérience immersive complètement différente. Et à côté de ces créations un peu radicales, de grands éditeurs comme Electronic Arts sont aussi connus pour l'accessibilité de leurs jeux de sport, avec des menus vocalisés, des aides sonores. Tout ça nous ramène au cœur de la question initiale. Jouer ensemble. C'est bien d'avoir des jeux, mais si c'est pour jouer seul, est-ce que ça fonctionne vraiment à une table avec des voyants et des non-voyants? Est-ce que ça ne ralentit pas le jeu pour les autres? C'est la question cruciale. Et la réponse est non si l'adaptation est bien faite. C'est tout l'objectif de jeux comme TTMC Adapté, Carto Access ou Mo Access. Prenez Carto. C'est ce jeu de stratégie où il faut aligner 4 pièces avec un point commun. Dans la version Access, chaque caractéristique visuelle, la couleur, la forme, a une équivalence tactile. Ah d'accord, donc tout le monde joue sur le même plateau, avec les mêmes pièces, les mêmes règles. La barrière, en fait, elle disparaît. Elle disparaît. On parle donc d'intégration, pas de créer une catégorie de jeu à part. L'idée, c'est de rendre les expériences populaires universelles. C'est exactement ça, la tendance de fond. L'industrie a compris que l'enjeu, c'est le lien social. Et on le voit aussi sur mobile. Des plateformes comme Google Play proposent maintenant des sudoku ou des mots croisés spécifiquement conçus pour les lecteurs d'écran. Pour jouer au même jeu que tout le monde, tout simplement. Bon, si on résume, l'écosystème est là. Et il est bien plus riche qu'on ne l'imagine. Des boutiques spécialisées aux associations, des adaptations très intelligentes de classiques aux créations sonores plus audacieuses. Les solutions existent. Pour que le jeu redevienne ce qu'il doit être, un plaisir partagé. Tout à fait. Et ça ouvre une porte vers le futur. Pour l'instant, on parle beaucoup d'adapter des jeux qui existent déjà. Mais la vraie question pour demain, c'est à quoi ressemblerait un jeu à succès conçu dès le départ par et pour un public mixte? Quelle nouvelle mécanique de jeu incroyable pourrait naître si on arrêtait de penser que la vue est le son? Le jeu, c'est vraiment un plaisir partagé. Je reprends cette expression qui est dans le clip. Votre association a beaucoup d'ambition, commence à être connue, voire même en dehors de l'agglomération de Nancy. C'est pas évident quand on est 7. Comment vous voyez l'avenir? Comment vous voyez les choses? Alors, on aimerait bien avoir un destin national, hein, avoir une diffusion le plus large possible de nos créations, parce que bon, c'est des bébés qu'on porte, et puis on se dit, bah voilà, c'est intéressant de faire partager notre expérience à d'autres personnes. Voilà, donc ça c'est vraiment un rêve, et voir au-delà de nos frontières. L'avenir, comment on la voit, ça va dépendre du succès de nos jeux, hein. On vient juste de l'entendre, hein. Si on trouve vraiment un jeu qui notre but, c'est toujours de faire partager voyants, non-voyants, malvoyants sur le même jeu. Donc nous on a quelques idées pour le futur. On a aussi des adaptations pour l'art, l'ouverture à la culture. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on commence à développer plus qu'en parallèle du jeu. Après, bah, si on a vraiment un gros succès ou une vraie demande, bah, voilà, il va falloir faire évoluer la structure. Hein, nous, on n'est qu'une association, une petite association qui répond à des besoins et une adaptation et qui pense, qui essaye de penser des jeux pour qu'ils durent un peu plus longtemps. Mais on n'est pas du tout des commerçants, hein, du tout. Nous, on cède nos jeux au prix coûtant, ce que ça nous coûte. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc, dans cette logique-là, on a très peu de moyens pour aller plus à l'avant. On n'est pas une structure commerciale. Et si on veut commencer à diffuser plus largement, se pose la question, effectivement, d'un suivi d'une patientèle clientèle, hein, je ne sais pas comment dire ça, Il y a à la fois ce problème de clients de clientèle qui va se développer. Au niveau de la conception, je pense que cette personne, ça peut suffire pour la conception. Maintenant, pour la fabrication, c'est pas la même chose. Et je pensais à une petite chose. Je me dis, mais après tout, vous avez des étudiants, vous êtes à l'université. Pourquoi il n'y aurait pas un atelier, quelque sorte des travaux pratiques pour les étudiants qui permettraient justement d'augmenter les capacités de fabrication? Est-ce que ça serait envisageable? Alors oui, c'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il faut la poser dans ce sens-là. Je pense que voilà, la structure universitaire dans laquelle je travaille ou dans l'enseignement, ils ne sont pas voués à faire de la fabrication à grande échelle. Bon, voilà, ils sont là pour faire de l'apprentissage et connaître et acquérir des compétences. Par contre, moi, je poserais plus la question. Voilà, on est une association qui est dans plusieurs domaines et on est proche de la formation. Ça serait essayer d'impliquer les étudiants, déjà pour une sensibilisation du handicap. Hein, c'est ce qu'on arrive à faire avec nos animations. On a souvent des étudiants qui viennent nous donner un coup de main, mais aussi faire réfléchir les étudiants sur des nouveaux projets. Et c'est là que ça apporte beaucoup parce qu'ils ont des idées, ils ont un potentiel et ils ont des fois un savoir-faire insoupçonné. Hein, et on peut effectivement avoir des bonnes avancées. Après, produire plus, et ben produire plus, il y a des gens qui savent très bien le faire. C'est des éditeurs, hein, ils savent très bien éditer, mais à un certain coût, ou des industriels qui savent faire des grandes quantités. Nous, on fait que du prototype ou du sur-mesure ou de la très petite quantité. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre Si, question. si, si, mais avec un partenariat aussi, on a cité dans le clip audio Cessia, AVH, Accessi-Jeux aussi. Accessi-Jeux commence à avoir une belle réputation. Ils ont Oui. comment on appelle ça, une ludothèque, oui, et ils développent bien leur jeu. Oui, alors Donc, ça, c'est plus du côté diffusion public pour toucher le public. Après, le développement vraiment production, on va dire. C'est plus compliqué. Donc, on a eu un exemple dans notre association. On a produit des sudoku à grande quantité suite à une subvention. Alors, je crois que c'était Fondation de France. Hein, c'est le président émérite, hein, le président fondateur qui avait fait ça. Et il avait produit une centaine de sudoku en relief et en qualité grand public. Voilà, mais bon, ça c'est voilà, ça on sait faire si on a une subvention. Mais bon, ça veut dire qu'il faut monter un projet, monter en partenariat avec des gens, des choses qui peuvent être très intéressantes. Mais voilà, nous on pourra faire deux, trois sudoku sur mesure avec ce que vous voulez. Mais si demain on vient nous dire, ben voilà, je vais en acheter 100, C'est plus possible. C'est plus possible. Oui, Voilà, forcément. c'est la limite de notre association. Ouais. En tout cas, je vois que vous avez plein de projets. Moi, je vous souhaite bon vent pour l'association. Merci encore, Daniel, d'avoir joué le jeu, si je puis dire, avec Merci. cette émission. Quant à nos auditeurs, je leur donne rendez-vous dans un mois. Si ils le souhaitent, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver les podcasts de cette émission sur, bien évidemment, sur Fagette, mais également sur ma chaîne YouTube, où vous retrouverez également tous les clips audio et toutes les musiques, puis plein d'autres choses. En attendant, je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien!